prochaine conférence, nous accueillons Arnaud Lefebvre, qui est archéologue et qui œuvre à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, et qui va nous parler de la place de l'enfant dans les nécropoles mérovingiennes. Bien. Bonjour à tous, je vous remercie. Alors, comme ça a été dit dans l'annonce, voilà, ça sera mieux. Comme ça a été dit dans l'annonce, effectivement, je vais vous parler de la place de l'enfant dans les nécropoles mérovingiennes. Alors, pour ce faire, je vais m'appuyer sur trois sites en particulier. Ça va être le site de Noroy-le-Veneur, qui est en Moselle, à côté de Metz. Le site de Prégny, en Meurthe-et-Moselle, à côté de Prégny. Et le site de Velaine dans la Meuse, qui est à côté de Ligny-en-Barrois. Alors, quelques plans rapides de ces sites. Donc, Noroy-le-Veneur a une superficie d'environ 5000 m². Comme vous pouvez le voir, nous avons réussi à le fouiller dans son extension, a priori. Nous avons 300 inhumations, et comme le montre le plan, ces inhumations sont organisées selon des lignes et des rangées. Donc on a des noyaux qui viennent se créer dans la nécropole, et ensuite des sépultures viennent s'agréger autour. Au niveau de la datation, nous sommes entre le 6e et le 7e siècle de notre ère. Le site de Prégny, donc Bois-Lasseau, alors là nous avons 3000 m² qui ont été fouillés. La partie nord du site n'a pas pu être fouillée puisqu'elle était hors de l'emprise du projet. Nous avons trouvé 176 inhumations et 3 crémations. Au niveau datation, nous sommes entre le 5e et le 7e siècle. Et encore une fois, vous voyez, nous avons le même type d'organisation, à savoir des organisations en ligne et en rangée, avec un petit espace, je ne sais pas, ça c'est le pointeur, avec un petit espace, je crois que je suis bien dessus, ici, qui est en fait probablement un chemin qui venait desservir la nécropole. Le site de Velaine, alors celui-là est plus récent, il a été fouillé en 2021, donc il est encore en cours d'étude. Nous sommes sur le même type d'organisation, hein, toujours ligne et rangée. Nous avons 7500 m² qui ont été décapés, 302 inhumations de découverte, et là encore une fois, nous avons la partie nord-est qui n'a pas été, qui n'a pas été fouillée, puisque ce n'était pas dans la prescription de l'État. Datation entre le 6e et le 7e siècle de notre ère. Alors, avant de vous parler des enfants, je vais déjà vous parler des généralités concernant les tombes mérovingiennes et notamment les adultes. Alors, au niveau des tombes, on retrouve des tombes avec des formes assez diversifiées, c'est-à-dire que sur la photo de gauche, nous avons ce qu'on va appeler une fosse simple, donc une fosse qui a été creusée dans le sol, avec le défunt qui est déposé à l'intérieur. Il peut y avoir des aménagements périssables. Alors, périssable, c'est tout ce qui va se décomposer, donc on ne retrouvera que des traces par l'étude de la position des ossements, ou sinon, ça peut être un simple couvercle qui va venir recouvrir l'ensemble. Sur la photo du milieu, nous avons ce qu'on appelle un coffrage de bois. Alors pourquoi je vous parle d'un coffrage de bois? Parce qu'à la différence du cercueil, le cercueil c'est la caisse qui va servir à transporter le corps jusqu'au cimetière. Le coffrage de bois, lui, c'est un élément qui va être construit directement dans la tombe et ne servira pas à transporter le corps. Donc c'est la différence que nous faisons au niveau du funéraire. Alors comment voit-on ce coffrage de bois? Tout simplement, que ça repartit à zéro. Ah merde, c'est moi. Excusez-moi. Je n'ai pas pu au bon endroit. Alors on voit ce coffrage tout simplement parce que nous avons ici les parois du creusement initial de la fosse. Et en fait, vous voyez que nous avons un petit remplissage. Et en fait, il faut imaginer que dans la fosse, on installe des planches qui vont ensuite être tenues en force avec le sédiment qu'on va remettre à l'intérieur de la sépulture. Troisième exemple, la chambre funéraire. Donc vous voyez là, nous avons une structure de plus grande dimension. Alors cette chambre funéraire, les parois peuvent être boisées ou non, ça dépend des cas. Et la spécificité, c'est que nous retrouvons le défunt qui va être dans une moitié de la tombe, donc ici en l'occurrence la moitié droite. L'autre moitié va servir au dépôt d'objets, alors ça peut être ses armes, dans des cas où c'est bien conservé, on a trouvé de l'ameublement, du mobilier différent. Donc ça dépend. Ensuite, nous arrivons sur un autre type de tombe, ça va être des tombes qui vont être construites, donc là, en matière pérenne, le caisson de pierre sèche, hein, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les nécropoles mérovingiennes. Généralement, ce type de tombe apparaît aux alentours du 7e siècle de notre ère, plus ou moins. Et puis, nous allons avoir des systèmes de couverture. Systèmes de couverture qui vont être soit en bois, donc on n'en retrouve pas de traces, ou bien, comme vous voyez ici sur la photo de droite, ça peut être des amoncellements de pierres, ou des dalles vraiment de calcaire qui vont recouvrir l'ensemble de la tombe. Donc voilà, pour faire un petit panorama du traitement des corps durant cette période. Alors, évidemment, au niveau des tombes, vous allez avoir des tombes qui vont être sans mobilier, en tout cas sans mobilier pérenne, encore une fois, il peut y avoir des éléments en bois qu'on ne retrouve pas. Ici, je vais surtout vous montrer des sépultures avec du mobilier, puisque c'est un peu le but du jeu dans l'exercice de ce jour. Alors, au niveau des sépultures avec du mobilier, pour les adultes, on va avoir du mobilier qui sera plus ou moins abondant. Donc ici, ce sont des planches de mobilier sur une tombe féminine. Alors, vous voyez, vous avez énormément d'objets de parure. Encore une fois. Ici, nous avons des fibules, hein, des broches pour tenir les vêtements. En dessous, vous avez tout un tas d'éléments de bracelets, de bagues. Ici, en haut, ce sont des boucles de chaussures. Et puis, sur la photo d'à côté, vous avez essentiellement des différents types de perles qui vont être trouvées, alors surtout des perles en pâte de verre, et le plus souvent très colorées. Pour les hommes, dans les cas les plus exceptionnels, vous avez des tombes avec des armes, beaucoup d'armes. Donc, vous avez ici une épée longue, une pointe de lance, et puis des pointes de flèche et différents éléments, encore une fois, boucles de ceinture, quelques fibules, une pince à épiler qu'on retrouve. Alors, vous avez la photo du mobilier à côté, et vous voyez qu'également, nous avons un peigne qui est... Je ne sais pas si j'y arrive, voilà, un petit peigne en os ici, et puis une verrerie et une céramique. Donc, ce sont des cas de figure que l'on peut retrouver dans les tombes masculines mérovingiennes. Alors, une fois que je vous ai montré tout ça, on va voir ce qui se passe chez les enfants. Parce que la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on a un traitement funéraire qui va être identique à celui des adultes, ou bien est-ce que l'on va retrouver un traitement qui sera plutôt propre au stade de développement ou d'intégration sociale de l'enfant? Puisque, effectivement, à partir des textes du Moyen-Âge, on sait qu'on a différents stades de l'enfance. Le premier stade va être ce qu'on appelle l'infantia, donc entre la naissance et 7 ans. Alors, ce stade est lui-même divisé en plusieurs phases. Nous allons avoir les premiers apprentissages. Alors, je mets toujours vers 3 ans, parce qu'évidemment, ça peut être 2 ans, ça peut être 4 ans. L'âge des jeux, vers 5 ans. L'âge de raison, vers 7 ans. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir de là, donc, l'âge de raison, par exemple, c'est le moment où l'enfant, on va commencer à lui donner des tâches. C'est ce qu'on voit par la suite, puisqu'on va avoir l'autre phase qui sera la puericia, entre 7 et 14 ans. Et donc, dans cette phase, on va retrouver les premières tâches domestiques. Hein, l'enfant qui va aller surveiller les troupeaux, des choses comme ça, ou qui va aider sa mère pour la cuisine. On va aussi avoir, vers la fin de cette phase, le premier travail, où l'enfant qui va être mis en apprentissage. Et alors, essentiellement pour les filles, avec une puberté plus précoce, on va avoir un mariage possible entre 12 et 13 ans, par exemple. La dernière phase, l'adolescentia, qui est entre 14 ans et l'âge adulte. Alors, l'âge adulte s'entend avec l'âge où ils peuvent aller à l'université, donc encore 18-19 ans. Mais en réalité, dans les textes, la fin de l'enfance se situe vers 15 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 15 ans, on rentre dans le monde de l'adulte sans aucun souci. Donc la question maintenant, c'est est-ce que l'on retrouve ces différents stades dans le traitement des corps de l'enfant, ou est-ce qu'on n'a pas du tout cette évidence? Alors, je vais vous présenter donc différents cas avec ces différentes phases. Alors, premier cas, c'est la période périnatale. Donc, c'est-à-dire, ce sont entre 7 mois lunaires de gestation et 28 jours après la naissance. Donc, ça veut dire des fœtus qui ont déjà été viables jusqu'au bébé. Malheureusement, on n'en a que 5 cas sur l'ensemble des tombes. Comme vous pouvez voir sur les images, les sépultures sont toujours en mauvais état de conservation. Donc, évidemment, il nous manque quelques données pour bien comprendre ce qui se passe. Le cas, en tout cas, c'est que nous retrouvons toujours ces os de jeunes enfants inhumés avec des adultes. On a En tout cas, on n'a pas retrouvé de traces d'enfants de cet âge inhumés seuls. La question qui se pose, c'est est-ce que ce sont des enfants mort-nés qui vont être déposés dans la tombe, une tombe familiale, une tombe d'adulte, ou bien est-ce que ce sont des enfants mort-nés, effectivement, qui vont être déposés avec leur mère qui serait morte en couche, par exemple. Ça, on n'a pas la réponse à l'heure actuelle, on n'a pas assez de cas bien documentés. Entre la naissance et un an, là, on a 9 cas recensés sur notre série. On se rend compte que les inhumations deviennent individuelles, c'est-à-dire qu'on n'a plus des adultes, ou rarement, ça peut arriver, mais on a souvent des inhumations individuelles. Et avant l'âge de 6 mois au décès, on n'a pas de mobilier. Alors, en mobilier, s'entend ce que je vous ai montré, des vases, des bijoux, des choses comme ça. L'enfant est inhumé, a priori, sans rien, en tout cas rien de non périssable. Comme vous pouvez voir sur le cliché, on a des pierres qui sont autour de l'enfant. Donc là, on a une sépulture qui est aménagée, ce qui veut dire que ces pierres ont servi à maintenir, encore une fois, des parois en bois, donc un coffrage de bois. Et donc, on retrouve déjà les pratiques funéraires, on va dire, et les contenants qu'on a chez les adultes, sans aucun problème. Et donc, à partir de 6 mois, ça change. À partir de 6 mois, on commence à avoir des traces de vêtements, et notamment des boucles de ceinture. Pardon. Donc les boucles de ceinture, alors c'est toujours un peu compliqué parce que la boucle de ceinture, il faut la trouver en position fonctionnelle, c'est-à-dire la trouver au niveau de l'abdomen pour se dire que c'est une ceinture qui était vraiment en place, parce qu'on a des cas assez nombreux dans le monde mérovingien et autres, où on a des ceintures qui sont simplement déposées dans la tombe et qui ne sont pas portées. En l'occurrence, les quelques cas que nous avons trouvés semblent être des ceintures portées. Donc après, voilà, on en est là pour l'instant. Et puis comme vous pouvez voir sur cette sépulture, nous avons aussi une céramique qui est déposée. Donc on commence à avoir des premières céramiques qui vont être déposées dans les tombes. Dans certains cas, on a également des parures, alors des perles. C'est ce que vous voyez, la photo qui est complètement sur la gauche, hein, où on devine des petits traits, des petits rectangles noirâtres. Ce sont en fait les perles en pâte de verre que l'on a sur le dessin qui est en dessous. Et on a également, encore une fois, de la céramique, voire du verre, qui est déposé dans les tombes. Entre 1 et 3 ans, cette fois-ci, les cas deviennent un peu plus nombreux. On a 35 cas de recensés sur nos sites. L'inhumation est toujours individuelle, mais ce que l'on voit arriver, ce sont les boucles de chaussures et les armes. Alors, boucles de chaussures, pourquoi ? Une des hypothèses, c'est que c'est un âge où l'enfant commence à pouvoir marcher. Donc, s'il est inhumé habillé, parce que j'avais oublié de vous le dire, effectivement, les inhumations mérovingiennes sont essentiellement des inhumations où les gens sont habillés lors de leur dépôt dans la tombe. Donc, on peut imaginer que l'apparition de boucles de chaussures coïncide avec le début de la marche de l'enfant. Et on retrouve, alors comme je vous dis, ce qui est un peu plus surprenant, on commence à avoir des armes. Alors les armes, c'est ce que l'on a ici. On va avoir une petite pointe de flèche, par exemple, ou une pointe de lance. Ce sont des éléments qu'on commence à trouver. Alors vous imaginez bien qu'entre 1 et 3 ans, on se dit que l'enfant va difficilement jouer avec ça, mais en tout cas, c'est un fait. On commence à trouver ces armes. Et voici un autre exemple. Où, de mémoire, on est sur un enfant de 1 an et demi, quelque chose comme ça, et comme vous pouvez voir, on a une petite hache. C'est une hache miniature, hein, puisqu'elle mesure 6-7 cm de long. C'est une hache en fer, exactement le même type qu'une hache d'adulte, mais en miniature, et qui, à l'époque, pouvait servir, quoi. Donc on imagine quand même mal un enfant de cet âge s'amuser avec une hache, ou alors c'est pour ça qu'il est mort, peut-être, mais bon... Ensuite, on passe à l'étape suivante, donc entre 3 et 7 ans. Là, on a 40 cas qui ont été recensés. Et cette étape est intéressante puisqu'on assiste à un renforcement de la présence des armes, comme vous pouvez voir sur le dessin à côté. Hein, là, on arrive sur des armes qui ont la taille des adultes, des armes adultes. Ici, on a une pointe de lance. À côté, on a des pointes de flèche. Donc, on est vraiment sur des armes qui pourraient être utilisées par des adultes. Se renforce également un peu les dépôts de peigne, de céramique, tout ça dans les tombes. Et puis, on voit apparaître des céramiques miniatures. Alors, c'est assez intéressant et assez intriguant parce que ces céramiques miniatures, alors bon, là, c'est un autre exemple de tombe avec des armes, hein, toujours une pointe de lance qui pourrait être utilisée par un adulte. Et puis les céramiques miniatures, voilà un exemple sur le site de Velaine. Ce ne sont pas des céramiques issues du corpus de céramique classique et qui pourraient être avec des tailles plus ou moins grandes. Et donc ce sont vraiment, d'après mes collègues céramologues, parce que moi je ne suis pas spécialisé sur la céramique, ce sont vraiment des céramiques miniatures qui pourraient, hein, je dis bien qui pourraient, s'apparenter à de la dinette. Alors on en retrouve assez peu, on n'en a que quelques cas. Ça se trouve dans les sépultures, alors, d'après ce que j'ai vu, essentiellement des enfants aux alentours de 5 ans. Ce qui, bizarrement, dans le phasage que je vous ai présenté tout à l'heure, correspondrait à l'âge du jeu. Alors, est-ce que ces céramiques sont des sortes de jouets pour apprendre à faire comme les adultes ou, bon, ça, je ne sais pas, je vais pas rentrer dans un discours que je ne maîtrise pas, mais en tout cas, voilà, c'est un fait. Et dans cette même tombe, on se retrouve encore une fois avec une petite hache miniature que l'on voit ici, qui est avec, encore une fois, des dimensions extrêmement réduites. Si l'on s'occupe maintenant des enfants de 7 à 10 ans, là encore, le cas semble intéressant. On a 39 cas qui ont été étudiés. Et autant on a pu voir que pour les 3 à 7 ans, on commençait à avoir une prédominance des armes dans les tombes. Donc on avait surtout le côté, entre guillemets, masculin, parce qu'on n'a pas le sexe des enfants, mais le côté probablement masculin des enfants qui étaient mis en exergue. Entre 7 et 10 ans, on retrouve l'apparition de bijoux. Et là, il semble que ce soit plutôt, plutôt les tombes féminines, donc plutôt les jeunes filles qui commencent à avoir des ornements qui ressemblent très fortement aux ornements de leur mère, on va dire. Donc vous pouvez voir une tombe. Alors sur la gauche, vous avez le collier qui est en place. Et vous avez évidemment la planche de dessin sur la droite, avec toutes les perles multicolores qui sont exactement les mêmes que celles qu'on retrouve dans les tombes d'adultes. Et vous voyez également qu'on commence à avoir des objets de parure, des bagues, des anneaux, des choses comme ça, que l'on va retrouver également dans les tombes adultes. Mais pour l'instant, c'est en moins grande quantité et il nous manque les ornements que l'on va retrouver, tels les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets et choses diverses. Par contre, évidemment, les armes continuent à être apparentes dans les tombes supposées masculines. Voilà l'autre exemple, toujours avec un collier. Vous voyez, on a pris le temps de fouiller, après avoir prélevé le crâne, on a pris le temps de fouiller le collier pour voir exactement quelle était sa composition. Et puis ici, nous sommes tombés sur un élément intéressant, puisque nous avons une bague qui était marquée. Alors de mémoire, ça, c'était le nom d'Arabert qui était dessus. Ou à Roberto, parce que je vois. Les bagues comme ça, avec des inscriptions, ne sont pas non plus très fréquentes dans ce corpus. Donc voilà, c'est un intérêt qui reste limité, puisque je ne pense pas que ce soit spécifique à une fille ou un garçon, mais c'est pas histoire de montrer cette histoire. Ensuite, entre 10 et 14 ans, on se retrouve avec une séparation qui va vraiment être beaucoup plus nette entre hommes et femmes. Alors, il ne faut pas oublier, encore une fois, dans le phasage que je vous ai présenté avant, que pour les filles, à partir de 12-13 ans, le mariage est envisageable. Et donc là, on retrouve vraiment une distinction entre les tombes féminines et masculines, avec, on se rapproche de plus en plus du standard des adultes. On retrouve les céramiques, les verreries, on retrouve également les objets de parure dans les tombes féminines. Dans les tombes masculines, là, c'est la même chose. Hein. On va vraiment avoir ces objets classiques des tombes masculines avec des haches, des armes, des scramassaxes. Et alors que dans les périodes précédentes, on pouvait encore retrouver parfois une perle ou quelques perles avec des tombes masculines, ça tend à ne plus exister, même si on sait qu'on en retrouve encore chez des adultes par moment. Et ensuite, à partir de 15 ans, on rentre dans le monde des adultes. Donc là, ça colle parfaitement à ce qu'on a pu voir sur les différentes phases. On rentre dans le monde des adultes parce que, en gros, on ne fait plus la différence. Alors la différence, on va la faire au niveau biologique, quand on va faire l'étude des squelettes. On saura que ça, c'est un adolescent plutôt qu'un adulte. Mais par contre, au niveau du mobilier que renferment les tombes, on ne fait plus de différence. On est vraiment à l'identique des tombes d'adultes, avec, encore une fois, donc je vous ai montré beaucoup d'armes, mais voilà, on a des armes, on a des épées, des pointes de lance, des pointes de flèche. Et puis bah, chez les femmes, on va avoir, alors je ne vous ai pas remis encore une fois des sépultures très très riches, vous avez vu au début, mais on va avoir des objets en verre, des fibules, des broches et différentes choses. Et donc on est vraiment dans le monde des adultes de plein pied, il n'y a plus de différence entre les individus. Alors, toi, j'aurais gagné un peu de temps. En conclusion, alors c'est une conclusion qui est, on va dire, c'est un travail qui est une première ébauche, parce que globalement, j'ai entrepris cette petite synthèse dans le cadre de ces journées. C'est-à-dire que ce n'était pas un sujet sur lequel je travaillais avant. Donc, ça demande encore à être développé. Je pense qu'il sera nécessaire de travailler. De prendre plusieurs autres sites, d'étoffer le corpus, d'essayer de réfléchir peut-être un peu différemment et sans doute également de travailler en collaboration avec des historiens qui vont maîtriser mieux que moi les textes anciens et peut-être pouvoir relever des détails particuliers. En tout cas, ce que l'on a l'impression de voir sur ce corpus, c'est qu'on a une évolution des dépôts qui va être en lien avec l'âge au décès, mais surtout avec l'âge social de l'enfant. La richesse des dépôts, quelque part, semble indiquer là aussi la position sociale de l'enfant ou des parents, dans la mesure où on retrouve à la fois des tombes d'enfants du même âge sans aucun mobilier, mais comme on a des adultes dans les tombes desquelles il n'y a rien, et on va retrouver des tombes très riches, et donc probablement que les tombes d'enfants les plus riches sont parce qu'ils sont issus d'individus qui sont dans un rang social assez élevé. Voilà où on en est à l'heure actuelle sur ce type de sur cette réflexion. Si des personnes ont d'autres idées, je les invite à me contacter. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention. Ça marche. Ah, ça marche. Merci beaucoup. Je l'arrête, voilà. On a le temps pour quelques questions. Merci d'avoir rattraper un peu notre timing, donc n'hésitez pas, s'il y a des questions. Oui, moi j'ai une question, Arnaud, sur la date, enfin les âges en fait, des différents enfants. Dans quelle mesure on a des âges, comment dire ça, on se base sur la morphologie et c'est ça le référentiel, où on a... Ou est-ce qu'on a, je dirais, des méthodes plus fines, type segment dentaire, sur ces cas-là ? C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, si on a un enfant un peu grand, entre 3, comme c'est des âges très resserrés, 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce qu'on a une fourchette de doute ou est-ce qu'on est assez sûr des âges qu'on attribue à quelques Alors, années près, quoi. C'est ça, la marge d'erreur, en fait. Alors, la fourchette de doute existe effectivement, puisque moi, quand je vous donne un âge, c'est un âge moyen. C'est-à-dire qu'on a toujours une fourchette, si je vous dis 5 ans, ça va être entre 4 et 7 ans, par exemple. Tout en sachant que quand on donne un âge, on s'appuie à la fois sur l'âge dentaire, sur l'âge osseux, on s'appuie sur différentes méthodes qui permettent d'essayer de resserrer au maximum l'âge de l'enfant décédé. Mais effectivement, il y a toujours un doute possible, et puis c'est pour ça que je mets toujours vert au niveau de l'âge, parce qu'on est à un an, plus ou moins un an près, ou plus ou moins 2 ans près, en fonction des méthodes utilisées. Déterminez-vous souvent la cause du décès ? Alors non, la cause du décès, c'est assez compliqué à déterminer, dans la mesure où en anthropologie, on ne pourrait déterminer la cause du décès que si... c'est issu d'une maladie ou d'un traumatisme qui a laissé des traces sur les os. Nous, on n'a plus évidemment tous les organes et autres. Si l'enfant est mort d'un trauma crânien parce qu'il a pris un coup de hache, ça je pourrais le voir. Si l'enfant est mort d'une grippe, je n'aurai aucune information sur le sujet. Alors c'est la même chose, les traces d'épidémie, c'est un peu compliqué, parce que si une épidémie ne dure pas longtemps, on n'en verra pas la trace dans la population, puisque en fait, pour avoir des traces d'épidémie, il faut que ça dure, et il faut qu'on arrive dans une situation de catastrophe où il faut traiter les corps rapidement. Et dans le cas d'une épidémie, les premiers corps vont être traités normalement, individuellement, et c'est uniquement quand l'épidémie va s'accélérer qu'on va avoir des fosses communes. Donc là, on n'a pas de... Dans ces cas de figure, nous, on n'a pas de... On n'a pas d'éléments pertinents qui nous permettent de rattacher ça à une épidémie. Alors après, on pourrait faire de l'ADN bactérien, mais là, ça demande des sommes qu'on ne peut pas réunir pour l'archéologie préventive. Quoi. Oui. Dans la petite enfance, il me semble, mais vous ne parlez que de tombes de garçons. Non, pas uniquement de tombes de garçons. En fait, dans la petite enfance... Ben, vous avez identifié parce qu'il y avait... Alors oui, à partir de... Dans la toute petite enfance. Oui. Alors, c'est un peu compliqué parce que pour les tombes vraiment d'enfance, 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne fait pas de différence entre garçons et filles. Donc par contre, on peut commencer à faire la différence. On peut imaginer faire la différence, je mets des guillemets parce que c'est jamais sûr, on peut imaginer faire la différence à partir du mobilier qu'on prenne les tombes. Si on a des armes, on peut dire que c'est plutôt masculin et des bijoux plutôt féminin. Maintenant, pour la période, on a quand même des tombes où on n'a rien du tout. Et puis, rien ne dit que l'enfant inhumé avec un collier ne peut pas être un garçon. Donc c'est pour ça que j'appuie pas trop sur la différence sexuelle parce qu'on n'a pas les informations nécessaires. Et de toute façon, chez les enfants, encore une fois, pour avoir l'information sur le sexe de l'enfant, il faut faire de l'ADN. Il n'y a que ça qui va nous donner une information fiable sur le sexe de l'enfant. Donc tant qu'on n'a pas fait de l'ADN, on ne pourra être que dans de l'hypothèse. On peut prendre encore une question. Bon, bien, merci. Après, merci, si des questions vous viennent, je suis sur le stand 34 à l'INRAP. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je ne connaissais pas le numéro, mais merci. Voilà. Bien, merci. Un jour, merci. Beaucoup.